Chapitre 5e. L'ancien presbytère qui l'habitait, comme nous l'avons dit, près du château, était une vieille construction appuyée à une église en ruine. Un rez-de-chaussée vaste et froid, dont le plafond était rayé de grosses poutres, recevait du jour par deux grandes fenêtres sur une petite cour où caquetaient quelques poules. Un escalier en bois prenait naissance dans cette salle basse et conduisait, par une pente assez raide, à deux chambres, dont l'une était la chambre à coucher de Georges, et l'autre, celle de sa domestique. Quelques vieux fauteuils, une table et un ancien cartel pendu au mur formaient tout l'ameublement. À l'extérieur, cette petite maison ne manquait pas de caractère. Un pied de vigne y jetait ses feuilles au-dessus de la porte, et quelques pierres s'étant détachées des murs, on les avait remplacées par des morceaux de sculptures gothiques tirées des ruines de l'église. Georges Fritz avait encore fait élever, avec ses débris curieux, au fond de son jardin, un petit pavillon qui lui servait de retraite. C'est là qu'il venait se livrer aux expériences ténébreuses de la science occulte. Il y passait de longues heures et en sortait le front pâle, les yeux hagards, la voix cassée, sans que l'on pût connaître la nature de son travail ni de ses inquiétudes. On voyait seulement fumer au-dessus du toit, pendant ses opérations alchimiques, la bouche d'une haute cheminée. Il se livrait précisément ce jour-là à un essai du grand œuvre, lorsque sa vieille servante vint, contre toute consigne, heurter rudement à la porte. Fritz s'ouvrit. Une vapeur blanche sortait d'un creuset chauffé à vif par un feu de gaz et répandait dans toute la chambre une obscurité suffocante qui fit tousser Marthe à plusieurs reprises. « À qui en avez-vous ? » dit Fritz avec un ton d'humeur. La vieille Marthe lui expliqua alors qu'il y avait dans la cour un domestique aux couleurs du château. « Et que m'importe ? » fit Georges avec un léger haussement d'épaule. Il s'était remis à couver d'un œil plein de sollicitude son creuset en mal de diamant, qui, jusque-là, n'avait accouché que d'un peu de cendre. Marthe revint doucement à la charge. Elle fit grand récit du Seigneur, monsieur le comte de B, et puis elle ajouta, ce qui ne manque jamais son effet sur un jeune homme, qu'il y avait, disait-on, au château une jeune fille de 17 ans. « Faites entrer ce domestique dans la maison, » reprit Fritz un peu calmé. « Je vais l'aller rejoindre. » Le domestique du comte fut introduit dans le rez-de-chaussée. Marthe, en attendant son maître, passa plusieurs fois le torchon sur la grosse table de chêne, et il ne tint pas à elle, dans ce moment-là, que la table ne se changea en un élégant guéridon de bois d'oranger. Mais elle ne savait pas, comme Georges Fritz, l'art des transmutations. Lorsque Fritz entra, le domestique du château lui remit une lettre sous pli à l'écriture de son maître. « Monsieur le docteur, je vous envoie mon domestique et mes chevaux. « Veuillez, je vous prie, vous faire conduire au château sans retard. Nous vous attendons. Le comte de B. »« Je suis à vous, » dit Fritz après un silence. Le jeune docteur monta dans la voiture du comte et le domestique ayant fermé la portière, le cocher fouetta ses chevaux.